iPod Music. DJ Cash Crew nos manettes. Le projet c'est quarantaine 2020. Smart. Oh. Beat de daron, mon vécu, mon histoire dans mon beat de daron, mon style, mon flow dans mon beat de daron. T'as pas l'info sur mon beat de daron. Ça crache des flammes, mon beat de daron. C'est toute une autre équipe, mon beat de daron. Plus femme et plus élégant, beat de daron. C'est pour ça que tu flippes, mon beat de daron. Ça paraissait pas si évident. Quand j'artige, t'es tout fin, comme mort de faim dans le couvain. C'est pas la graisse qui m'étouffait, t'aurais dit bouffe que du foin. Puis j'ai pris du poids d'un coup. Opération mal passée, privé de tout, tout comme un fou. J'ai bouffé comme si on allait me repriver de tout. J'avalais des tas de nourriture diverse. Pas encore dans le rap à verser mes verses. Le gros se faisait traiter, direct répliqué. Les enfants ne sont pas appliqués, ils ont une vision étriquée. Alors j'ai posé autre chose, on m'a donné le smile, alors j'ai dilué à haute dose. On m'a filé des bouquins dans mon osmose. En te plaire, sans se plaire, métamorphose. Mon beat devient un problème. J'aime pas cette masse qui me gêne. À chaque mouvement de ma peine, des réflexions de haine. Ici c'est gros sac, pipin d'homme, espèce de chamallow. Complète c'était pour les sons comme des poids sur ton ventre. Jette-nous donc ce chamois. Beat de daron, mon vécu, mon histoire dans mon beat de daron. Mon style, mon flow dans mon beat de daron. T'as pas l'info sur mon beat de daron. Ça crache des flammes, mon beat de daron. C'est toute une autre équipe, mon beat de daron. Plus femme et plus élégant, beat de daron. C'est pour ça que tu flippes, mon beat de daron. Ça paraissait pas si évident. Là-dedans y'a les bienfaits des mecs qui m'ont été concoctés. Dose d'amour incalculé, inoculé, chaleureusement traité, compacté. Tu veux savoir d'où vient ma puissance, tu sais qui contacter. Une brise décontractée, mon parté de bombardé, débordé, ta team de trop de détails bardé. Karaté, ma posture de karaté, ça va pas tarder à barder. J'espère t'as capté ce que recèle mon beat de daron. Dernier reste chez ce gars carré d'un truc rond. Reste de douceur hors du coron. Reste d'humanité chez ce couillon. Elles me disent il est doux, j'aime le caresser. Contraste avec l'ours que t'es qu'on peut être. Mon vécu, mon histoire dans mon beat de daron. Mon style, mon flow dans mon beat de daron. T'as pas l'info sur mon beat de daron. Ça crache des flammes, mon beat de daron. C'est toute une autre équipe, mon beat de daron. Plus femme et plus élégant, beat de daron. C'est pour ça que tu flippes, mon beat de daron. Ça paraissait pas si évident. La jante féminine à moi s'intéresse à comme un pantin qui a d'euros dans un RSA. A partir de l'âge qu'on met des dégâts, on faut faire danser le mambo comme Lou Vega. Basket rapé des pattes mégo, cercle très très très restreint de méga. Mon beat t'emmerde, il vit bien sa saga. Couvert à Paris, à découvert à Malaga. Il se demande qu'à finesse comme Malongo. Elle soit après lui, c'est bon, il fait ma logo. Là je fais que pour ma femme, mon fils, mon logo. Taron assumé, tchalé comme on dit au Togo. J'bouge sa bouche comme danseur gogo. On te plie fier dans mon ego. Surcharge pondérale qui fait le pogo. Mon beat est mon amigo. Beat de daron, mon vécu, mon histoire, mon vécu, de mon daron, mon style, mon flow, dans mon beat de daron. T'as pas l'info sur mon beat de daron. Ça crache des flammes, mon beat de daron. C'est toute une autre équipe, mon beat de daron. Plus femme et plus élégant, beat de daron. C'est pour ça que tu flippes, mon beat de daron. Ça paraissait pas si évident. À tous ceux qui portent le beat de daron, à toutes celles qui portent le beat de daron. Cash Cool, Cash Cool, Hip Hop Music. Quarantaine 2020, quarantaine 2020, je ne sais pas quelle année, je ne sais pas quelle année, Smart.